Salut les enfants! Allez bien danser avec nous! Allez bien danser avec nous! On est là! Salut les enfants, j'attends que vous vous connectiez. Allez, souvenir. Destination Soleil, c'est le premier disque d'or. Salut Victor, ça va? Comment tout le monde va bien aujourd'hui? Salut Maxime. Salut Guillaume. Salut Pierre. Allez, ça se connecte tranquillement. Bonjour la famille des Zinzins. Salut Séverine. Salut Cécile. Céline, pardon. Salut François. Tu vas bien? Ah là là. Salut mes Zinzins. En pleine forme aujourd'hui? Il y a une belle émission radio aujourd'hui qui va démarrer. Bébé. Salut JM, ça va? On attend que tout le monde se connecte. Yeah baby. Bien, oui. Salut Manu. Salut Tiad, il vient juste de se connecter. On vient juste de se connecter. On va démarrer dans 2 minutes. Voilà, une émission qui sera rediffusée, les interviews à la radio, bien sûr, que je vais récupérer. Alors, on va démarrer à 11h10 à peu près avec Stéphanie Bier, notre chroniqueuse. Alors, l'horoscope pour vous, la météo, une chronique. Il y aura un petit peu de musique ensuite. Et puis, 11h30, on appellera le collectif Métissé depuis Bordeaux. Ils seront avec nous au téléphone, Somariba, le leader du collectif, le Superman du collectif. Leur premier disque d'or, il est là, je l'avais récupéré à la radio. Voilà, à l'époque, on était une belle bande de copains, on est toujours des bons copains d'ailleurs. Et voilà, et puis après, on enchaînera avec notre ami Tiad. Tiad, et ouais, Tiad qui est chanteur et qui a sorti un nouveau single là avec une bande de potes aussi. Il nous en parlera. Restez à la maison. Voilà le programme de cette matinée. Il va démarrer dans quelques minutes. Salut Charles Ferreira, ça va? Salut le Capdag qui nous regarde aussi. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin. Merci de vous connecter en direct pour l'émission radio. Collectif Métissé sera avec nous à 11h30 au téléphone. Un interview qui sera rediffusé sur la radio. Et puis Tiad aussi, l'interview de Tiad qui sera rediffusée. Salut Sabi, tu vas bien Sabi? Bon, c'est cool. On attend l'air prédateur. Les retardataires. Ouais, c'est vrai que. J'espère que le confinement se passe bien. Salut Stéphanie Bier qui vient juste d'arriver. Stéphanie Bier que je vais appeler dans 7 minutes. Ça va Stéphanie? T'es en forme? Ça, c'était le premier single du collectif Laisse-toi aller bébé. Vous vous en rappelez? Leur premier titre. Salut les zinzins! Allez, dans 5 minutes, on appelle notre chroniqueuse Stéphanie. Tout le monde va bien aujourd'hui? Ouais. On se connecte tranquillement. Salut Dominique, Espoir 21 qui est là. Salut mon Dom, ça va? Ça va Dom, la forme? Salut les Sports 21 qui est là, salut Dominique. Salut Aurélie, ça va? Allez connectez-vous. Alors faut pas vous fier aux vues hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et qui apparaissent pas en haut. Hein. Voilà, ça je l'ai appris hier. Bonjour Dominique Leguet, salut Younes. Donc je vous rappelle le programme, 11h10, Stéphanie Bier, notre chroniqueuse au téléphone avec nous. Elle va nous faire l'horoscope, la météo, une chronique. Et après on aura le collectif métissé depuis Bordeaux, où ils sont confinés. Samariba sera avec nous au téléphone à 11h30 pour nous parler du nouvel album qui va sortir le 10 juillet. Et ensuite on aura Tiad, notre ami Tiad d'Orléans, qui sera avec nous au téléphone. Restez à la maison, c'est le nouveau single. Il nous en parlera aussi en direct, notre ami Tiad qu'on aura au téléphone vers 11h50 à peu près. Et on en, entre temps on aura notre ami Fabien Dumas, notre chroniqueur, qui sera là aussi avec nous à la radio. Voilà, Florent Amigo qui est là, salut Florent, qui nous fait toutes les bandes MP3. Salut Florent Amigo pour la radio. D'ailleurs les interviews radio seront rediffusées, hein, sur la radio la semaine prochaine. Voilà, le collectif qu'on aura au téléphone à 11h30 et il y a 11h50. Et puis on va appeler notre première chroniqueuse dans 3 minutes. J'espère que vous allez bien, la famille des Zinzins. Tout le monde se passe bien, salut Christelle. Si vous voulez connaître votre horoscope pour aujourd'hui, eh ben ça va être le moment dans 3 minutes. Salut Julie, salut Julio, salut Théo, salut Christelle. Ça passe le samedi matin, vous êtes bien? Voilà, 11h05. Ouais. Tout le monde va bien, tout le monde se porte bien aujourd'hui. Ouais. Salut Antoine, salut Eric. Ça va mon Eric? Ça se passe bien le confinement? La boxe taille. Florent Amigo, salut Florent. Salut mon Florent, tu vas bien? Allez. Ça c'était le premier hit du collectif métissé. On rappelait ça, laisse-toi aller bébé. Ouais, on aura quelques-uns, écoutez. Salut Patrick qui est connecté, Patrick, Compostelle 45. Allez, on démarre et on appelle notre chroniqueuse Stéphanie Bier. C'est parti, dès que je trouve le numéro, il est là. Et ça numérote. Allez, l'horoscope qui arrive et la météo avec Stéphanie Bier. Ça va sonner. Allez, restez câblés, restez branchés. Contrôle blanc installé. Salut Gérard, salut JM, salut Séverine. Allô? Ouais, bonjour Stéphanie, comment elle va bien? Ça va bien, comme le samedi matin. Eh ben voilà, le samedi matin, avec toi en pleine forme, notre rayon de soleil, hein, c'est un peu ça. Bah écoute, j'espère que je vais vous en donner un peu, parce que niveau météo, c'est pas top. Hein. C'est pas terrible aujourd'hui, j'envoie le jingle et on y va, tu bouges pas? Bah non, je suis là. C'est parti. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Eh ouais, le confinement, c'est autrement. Pour toi aussi, c'est autrement, le confinement, en ce moment, Stéphanie? Bah, je fais comme tout le monde, je m'adapte. Voilà, tout le monde s'adapte. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin qui m'a pas mal occupé les premières semaines. Ouais. Et puis voilà, et puis je fais des masques. Ah ouais, tu fabriques des masques en peau de bec? Non, j'ai récupéré des draps, des vieux vêtements, des trucs, et puis voilà, quoi, j'essaye de... Avec des slips? Je fais ma part. J'ai vu des mecs qui faisaient des masques avec des slips et des comment ça s'appelle, des caleçons, voilà, cherchez le mot. Ah ouais, bah il y a des tutos qui traînent de partout. Hein. Ah c'est énorme, hein. Y a des tutos qu'il faut rire quand même. Hein. Ouais. Du coup, bah... Ouais, dis-moi. La météo? Eh ben la météo, alors quel temps va-t-il faire? Bah il fait pas très très chaud aujourd'hui, demain on aura du soleil un petit peu l'après-midi. Ouais. Et la journée où on sera plus ensoleillé, ça sera mardi. Mardi? Et il va faire beau mardi alors? Pas un petit peu plus, mais là jusqu'au 11 mai, jusqu'au Saint-Glaise. Ouais. Ça caille un peu quand même. Ouais, dommage. Bon, après. Et c'est dommage parce qu'en plus aujourd'hui, il y a une journée mondiale un peu particulière. Ouais. C'est la journée mondiale du jardinage nu. Nu? Ah la vache! Alors, ouais, elle existe depuis 2005. Ah ouais, carrément. Et donc, il faut se foutre un poil pour jardiner. C'est tous les premiers samedis du mois de mai. En fait, c'est par rapport au dicton, tu fais en mai, c'est ce qu'il te plaît. Donc, ouais, tu peux jardiner à poil le premier samedi du mois. Ben voilà, si vous avez un jardin. À condition de le faire à l'abri des regards. Si vous avez un jardin aujourd'hui, à poil dans le jardin, ouais. Ben bonne chance hein, quand même, parce que. Ben moi, je crois que je vais me faire un jardin dans l'appart. Je vais me faire un petit coin à poil. Je ferai des photos. Ouais, ça on a compris que t'es maîtrisé à poil, quoi. Enfin, ben, on est au courant. Là, je suis en slibard, hein, je vous le dis. On voit pas mon haut parce que j'ai le blouson de Superman, là, mais sinon, je suis en slibard, hein, dessous. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Non. Regardez, je vous montre, voilà, ma jambe, voilà. C'était juste pour moi. Super. Alors, on démarre avec l'horoscope si tu veux bien, Stéphanie Bier. Avec plaisir. Allez, on démarre. Pardon, mais je croyais qu'il y avait un jingle. Ouais, bah attends, bah oui, il y a un jingle, ouais. En direct de chez Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Ah, c'est autrement, c'est dur le samedi matin de se réveiller, hein, bonheur. Je me suis levé très très bon. Ouais, tu ça va. Ouais. On s'est reposé hier. Ouais, c'est ça, voilà, on s'est reposé. Comme tous les jours d'ailleurs, on se repose. L'horoscope. C'est ça. Alors, on commence avec les béliers. Ouais, les béliers. Vous serez la personne parfaite pour gérer les situations compliquées et surtout délicates. Ah ouais, il y en a comme ça des personnes qui gèrent. Il y en a. Bah aujourd'hui c'est les béliers qui gèrent ça. Ouais, c'est vrai. Les taureaux, vous assumerez totalement vos désirs et vos envies. Ah voilà. Ah c'est bon. Les gémeaux, vous ferez une figure d'avant, vous ferez figure d'avant-gardiste au sein de votre entourage. Mmh. Vous allez innover aujourd'hui les gémeaux. Innover, c'est important d'innover surtout en ce moment. Hein. Il faut. Bon alors les cancers. Ah. C'est toi, je crois. Attention, c'est moi, ouais, fais gaffe. Hein. Alors, aujourd'hui, apparemment, tu vas être d'humeur un peu changeante. Tu vas passer du rire aux larmes, un petit peu sans raison, comme ça. Ouais, c'est. T'es un petit peu ni figue ni raisin. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Hein. Alors, pour les lions, un malaise planera un petit peu sur cette journée. Cessez de faire profil bas et prenez intelligemment. Répondez intelligemment, pardon, aux provocations. Voilà, les lions, rugir de plaisir, c'est important aussi. Et puis deux fois de colère aussi, c'est nécessaire. De colère aussi, ouais, ça peut faire du bien de gueuler quand on est en colère, hein, de faire un grand cri de guerre. Bah, faut pas toujours prendre sur soi, sinon à un moment on pète, hein, c'est ouais, pas bon. Exactement, Stéphanie. Les vierges, alors vous êtes des petits vénards, les anges de l'amour se pencheront sur votre cas aujourd'hui, vous ne serez plus un cœur à prendre pendant très longtemps normalement. Ah, ça y est, alors les vierges célibataires ou mec ou fille, attention, ça va peut-être pécho. Il y a des ouvertures. Ouais, mais bon, si on est confiné, c'est compliqué de pécho, hein. S'il y a personne dans la barre. Mais non, il se passe plein de trucs, t'as pas idée. Si, ouais, sur les réseaux, je suis sûr qu'il y en a qui se pécho sur les réseaux. Je suis sûr. Alors, les balances, eh bien, alors eux, ils vont s'occuper de leur carrière. Promotion, augmentation ou mutation, vous obtiendrez tout ce que vous désirez en secret. Ah, ça c'est bon, ça. Ça me plaît, les balances. Ça me plaît, ça. Les scorpions ? Ouais, les scorpions, on y va. Alors, eux, bah, le travail d'équipe, c'est pas trop leur point fort aujourd'hui. Vous aurez tendance à la jouer un petit peu solo. Ah, c'est pas bien de jouer solo, hein. Non, faut partager. Non, on est plus efficace en équipe, en général. Voilà, c'est vrai, on est plus fort. Les Sagittaires. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, la forme est olympique pour les Sagittaires. Dès le réveil, vous vous sentez en pleine possession de tous vos moyens. Ah voilà, ça c'est bon. Se lever et avoir tous nos moyens pour bien attaquer une belle journée en tous les cas aujourd'hui. C'est ça. Les Capricornes. Vous frayez un chemin sur la route du succès avec beaucoup de subtilité et de discrétion. L'air de rien, les petits Capricornes, ils font leur chemin. Ah ouais, c'est ça. Tranquille, chemin. Les Verseaux. Merci. Alors, votre cerveau tournera à plein régime tout au long de la journée. Aujourd'hui, ça va fuser aussi pour les Verseaux. Waouh ! Bonne journée pour les Verseaux. Et on termine avec les Poissons ? Les Poissons, les Poiscailles, les Poissons panés, ouais. Ça marche aussi, hein. Alors, l'imagination, eh bien, ce sera le point fort de votre journée pour vous, les Poissons. Les projets et les idées ne manqueront pas de fourmiller dans votre tête. Donc, il y a peut-être encore quelques trucs à bricoler à la maison, peut-être, sur la fin de confinement. Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, des bonnes nouvelles aujourd'hui. Voilà, c'est le petit horoscope du jour. Un bel horoscope en tous les cas avec toi, Stéphanie Bier. Une petite chronique peut-être ? Une petite insolite, quelque chose de marrant ? Quelque chose du type ? Un truc rigolo, ouais. Truc un peu rigolo que j'ai trouvé là. J'ai vu ça cette semaine, vous l'avez peut-être vu aussi d'ailleurs. Il y a les pieds nickelés qui étaient sortis en Gironde. Ouais. Il y a trois hommes qui ont été dérobés la caisse d'un domaine viticole. Et en fait, ils ont pris la fuite en voiture avec un butin de 40 euros, sauf que il y en a un qui a laissé tomber son attestation de sortie soigneusement remplie. Ah. Donc les gendarmes, eh bien, sont allés les cueillir dans la forêt, et voilà. Et apparemment, ils étaient quand même légèrement alcoolisés. Ouais. Enfin, ils n'étaient pas bien forts quand même. Hein. Aller braquer un domaine viticole pour 40 euros. C'est clair. Et puis, ils auraient mieux fait de braquer des bouteilles finalement. Ouais, ça aurait été mieux. Eh, par contre, c'est chiant, ça fait moins de boulot pour les gendarmes. Là, le boulot, il est fait, il est mâché là. Attends, oh. Ah bah, faut être vachement malin, quoi. Ouais, bah trop pas trop malin, les pieds nickelés. Le mec, il laisse tomber l'attestation. Pas trop malin, les pieds nickelés, là. Hein. Ah oui, pas trop malin. Bon. Et puis une bonne petite nouvelle écolo très très vite, très très allez, vite. Allez, une bonne nouvelle écolo. C'est bon les colos. Eh ben c'est les abeilles qui sont au top en ce moment parce que ben avec le confinement il y a moins de pollution. Donc ça se passe plutôt dans le parc régional des Vosges. Et en fait, il y a un apiculteur qui s'appelle Pierre Stéphan, et lui, ça fait 20 ans qu'il entretient ses ruches et qu'il s'occupe de ses abeilles. Il n'a jamais connu un début de saison pareil. La production de miel, elle a explosé. Donc forcément, c'est grâce à la baisse de l'activité humaine. Hein, on va pas se les agriculteurs qui ont étendu un peu moins de saloperies aussi. Ouais, c'est ça. Et puis une météo un peu plus clémente. Donc bah, du coup, les abeilles, elles se portent très très bien. C'est la nature qui reprend ses droits, ma Stéphanie. C'est ça, il y a moins d'animaux écrasés sur les routes aussi. Ouais, moins d'hérissons écrasés, c'est important les hérissons, c'est important. Moi, ah, c'est le meilleur allié du jardin. Je croyais que d'ailleurs c'est le meilleur à manger, j'ai eu peur. Non, c'est le meilleur allié du jardin, oh ça va. J'ai eu peur, je croyais que t'allais me sortir. Je mange pas des miglous, moi, ça va pas la tête, non. C'était une blague, Stéphanie. Merci Stéphanie. Bon bah bon confinement pour cet après-midi. Ben oui, merci, à vous aussi. Ouais, donc ouais. Tu nous ambiances, tu nous fais des beaux interviews ce matin et ouais. Tout, qu'on s'amuse un peu là. On va se marrer un peu avec le collectif dans 15 minutes et puis Tiad qui sera avec nous aussi au téléphone, ma Stéphanie. Parfait, c'est cool. Je t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse tous. Bisous. Salut les zinzins. Salut ma zinzin. Allez, on démarre avec une reprise du collectif métissé. Voici C'est la vie, c'est le collectif qui sera avec nous dans moins de 15 minutes au téléphone. C'est la vie, c'est la reprise du collectif métissé. Ensemble on va s'aimer, oui s'aimer, et oui on a la solution. On va rien lâcher, on va chanter, la la la la. On va s'aimer, on va s'aimer, oui c'est la vie, la la la la la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie. Vous savez que le collectif, ça c'est des reprises. C'est là que j'adore, il y a 4 ans, ils l'ont prise, la gitane. Et le collectif dans moins de 10 minutes avec nous au téléphone. Yep. Préparez-vous, ils arrivent au téléphone, normalement. Le collectif. Dans moins de 10 minutes, il sera avec nous au téléphone. Bougez pas, là, en direct à la radio. On va faire l'interview. Le collectif, ils ont fait ça aussi. Damé, le son reggaeton du collectif. Au téléphone avec nous dans moins de 6 minutes. Bougez pas, les zinzins. L'interview, il arrive. Daniel, c'est les invités radio aujourd'hui. On a le collectif qui arrive dans 5 minutes normalement. L'année prochaine, le sexe. Salut Laurent, salut Daniel, venez vous connecter, le collectif qui arrive avec nous en interview dans moins de 3 minutes. Waza! Salut Nico! Bam bam! Dame, ton sourire s'en fait des bam bam! Chaque nuit qui passe se ressemble quand tu me frôles mon cœur. Salut Alex, il y en a qui écrivent des trucs, je comprends rien. Salut Alex, salut Virginie. L'interview du collectif Métissé, c'est à 25. Bougez pas la zinzin. Yeah. Niad qui arrivera à 11h50, le chanteur qui a écrit un titre aussi, c'est un nouveau single. Restez à la maison, il sera notre invité au téléphone. Et juste avant le collectif, ils ont fait plein de reprises et on adore, en direct à la radio. Voici Sweet Dream du collectif et l'interview dans moins de 4 minutes. Si vous avez des questions, c'est maintenant le collectif qui arrive avec nos téléphones. On va les appeler dans 3 minutes. Cette semaine qu'on est confiné, que je fais des lives. L'interview, il arrive, bougez pas. L'interview du collectif avec Somariba, le leader, le Superman. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil. C'est la famille. On a vu Florent, merci pour le podcast. Ça va Séverine? Salut Nathalie, salut Laetitia, salut Edouard. Collectif Métissé, ils arrivent. Ah ouais, le rayon de soleil, il est là. Leur nouveau single, Allez, Allez, c'est celui-là. Et on appelle Somariba juste après. Voici le nouveau Collectif Métissé, Allez, Allez. Allez, tout le monde. Il arrive au téléphone avec nous dans moins de 3 minutes. Somariba, le leader du Collectif Métissé. Trop de problèmes, André de Ronge au game. Si t'es prêt pour la partie, donc on va jouer aussi. Flash, flash, comme l'éclair. Et ratez pas l'interview, 11h50, Tillade, le chanteur l'Orléanais sort avec nos téléphones. Et le collectif qui arrive. Sur la scène, si t'es ready, nous aussi, rejoins la famille. Cache, cache, sans commentaire, nous on est solidaires. Donnez, donnez pour te plaire, c'est notre savoir-faire. Oubliez, on va tout oublier. Viens danser, prends bien fait, ouais, y'a fait pas de frère. Oubliez, on va tout oublier. Viens chanter, danser, c'est ça la vérité. Allez, allez, allez, on va tout oublier. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Bon, ça va les zinzins. Allez, on numérote le numéro. Collectif Métissé, c'est parti. Allô. Allô, bonjour Somariba, collectif Métissé, le leader, comment tu vas bien? Salut, salut, super. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone ce matin, après ce confinement, comme toi d'ailleurs, c'est la première question que je voulais te poser. Confiné comme tout le monde, bien sûr, heureusement. Oui, confiné, on travaille, on finit l'album. Voilà. Voilà. Alors depuis mercredi, le nouveau single, le clip, est sur votre Facebook, hein, le collectif Métissé, le Facebook fan. Il est en lien, il est en fonction, et on peut dire que c'est une réussite aujourd'hui. Allez, allez, allez. Oui, ça marche très bien. Là, sur YouTube, on vient d'atteindre les 30 000 vues. Ouais, ça marche très très bien. Ça vient de rentrer sur quelques chaînes nationales au niveau du clip. Ouais. On est content. Voilà. Pour un album qui va arriver, je lisais, le 10 juillet, un nouvel album. Tout à fait. Collectif Fiesta Party, comme son nom l'indique. Un album Fiesta, je crois que les gens en ont besoin. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on sortira de cette merde, et c'est pas un petit mot que j'emploie, je pense que les gens, ils vont se lâcher. Alors vous, déjà, à la base, vous êtes festif, vous ambiancez grave les discothèques, les radios, les salles de sport, les salles des fêtes, etc. Mais là, ça va être terrible, Claude, quand ça va réouvrir. Ah oui, vraiment, on pense que ça va le faire, à mort. Voilà, nouvel album, alors, avec dans le premier clip, Allez, allez, pas mal d'artistes, pas mal de people. Alors j'ai noté Moscato, Boudère, Bernard Binet, Charlie Lulu, DJ Fou, j'en passe, hein, vous êtes une quarantaine. Comment s'est fait la sélection, Soma? Bon, il n'y a pas de sélection, j'ai envoyé des messages à plein de copains, ouais. Les plus réactifs qui m'ont envoyé les vidéos, on a monté le clip. On voulait d'abord que des gens qui voulait donner le sourire. Ouais. Et on a monté tout ça. Et là, il y en a qui se réveillent en me disant « Oh, j'ai oublié de t'envoyer la vidéo. » Mais c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Quand c'est fait, c'est fait. Oui. En tout cas, mais bon, ça a été vite fait. On a envoyé des messages. Ben, j'ai envoyé des messages un peu à des copains et des copines et tout a été très vite. Alors moi, j'ai regardé le clip plusieurs fois. Je l'ai partagé aussi. Allez, allez, il est sur votre page fan du collectif Métissé. Sur ta page aussi, toi, fan, Somariba. Et puis sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez aussi une chaîne YouTube. Collectif Métissé TV. Voilà, vous avez. On a aussi le concert de l'Olympia qui a été mis en ligne. On a pas mal de choses intéressantes sur cette chaîne. Alors justement, il y a une question. L'Olympia, cette année, est-ce que ça va être jouable ou pas? Alors déjà, c'était pas prévu cette année, c'était prévu l'année prochaine. Ouais. Mais avec tous les reports, je pense que nous aussi, on va être obligé de reporter d'une année à 2022. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Le principal, c'est qu'on soit vivant et qu'on sorte de ce bazar. C'est ça. Le but, c'est d'être en pleine forme et en santé, surtout pour repartir encore plus fort et meilleur. Est-ce que ça va être compliqué pour toi? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de messages de discothèques qui lancent un cri d'alarme parce que l'État, entre guillemets, on parlait des hôtels, des restaurants, des bars, etc. Et des festivals aussi parce qu'on pense à eux. Mais entre tout ça, il y a le mot discothèque qu'on a un petit peu oublié, je pense. Et c'est ce que dit beaucoup de directeurs artistiques et de gérants de discothèques. On nous a un petit peu oublié. Est-ce que tu crois que c'est le cas aujourd'hui, toi, Soma? Oui, j'ai mis un post hier soir sur ma page Facebook, sur mon Facebook perso, où j'ai dit que je trouve ça déplorable parce que c'est vrai, les pouvoirs publics parlent pas du tout des discothèques et des DJ, et ça, c'est quand même déplorable, quoi. C'est une corporation où il y a du monde. Il y a 20 000 DJ en France, il y a 2 000 discothèques qui génèrent beaucoup d'emplois. Ouais. Il faut parler de nous, quoi. Voilà. C'est vrai, il faut pas laisser tomber les discothèques. Alors moi, je voulais saluer les syndicats quand même, l'UMI par exemple, qui soutiennent à mort les discothèques, qui font beaucoup de travail aussi pour nous filer un coup de main, pour nous soutenir. Je parle pour nous parce que c'est une généralité que je fais. Et puis toi t'es bien, t'as été bercé là-dedans, DJ, directeur artistique, puis maintenant leader du collectif. T'as connu ça depuis tout petit. T'es tombé dedans comme Astérix et Obélix. Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai vraiment évolué là-dessus. J'ai démarré du lycée, j'ai sauté à DJ et après je suis né en discothèque, c'est vrai. C'est ce que c'est ce que disait Fou le jour sur sa vidéo aussi, il est né en discothèque et beaucoup de DJ sont nés en discothèque. On parle du nouvel album rapide, Claude. Nouvel album Collectif Fiesta Party. Alors j'ai vu que dedans il y aurait Vous êtes fatigué, tout le monde le connaît derrière la radio là et puis l'écran. En ce moment, on est regardé, tout le monde a chanté dans les soirées, en mariage, en soirée, en discothèque. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, on l'a repris, on l'a chanté. C'est toi la base à la création de ce titre. Et là, dans le nouvel album, il y aura certainement une version un peu spéciale de Vous êtes fatigué. Oui, il y aura une nouvelle version et on a fait aussi une petite parodie, mais on la mettra pas dans l'album, qui dit Vous êtes confiné, on n'est plus confiné. Voilà. Ça serait. Alors, quand il y aura la phrase, on n'est plus confiné, on sera heureux, je pense, et on sera bien. Hein, ça ouais, sera... je pense. Et ouais. J'ai vu aussi une petite apparition ou un hommage au nord de la France, les Corons, une reprise. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On avait fait pour faire un concert dans le nord, et les fans du nord nous l'ont demandé, donc du coup là, on a dit ben on le fait, donc là on est en train de finir la version qui est terrible. Qui est terrible. Avant de s'écouter, allez, on va tout oublier. Ça c'est pour. Est-ce que c'était prévu justement de tout oublier? Et tout. Alors pas du tout parce qu'on avait fait ce titre à l'Olympia au mois d'octobre en exclusivité. Ouais. Et ben c'est un concours de circonstances, mais qui est bienvenu parce que on a juste retardé un peu la sortie du morceau pour que ça concorde avec la fin du confinement et on est en adéquation pour donner le sourire aux gens. Et ben leur dire oubliez tout. Voilà, c'est ça, oubliez tout. Laisse tomber. Ben, vous avez toujours envie de tout oublier, c'est vrai, il y a eu laisse tomber tes problèmes, laisse-toi aller bébé. Ouais. Ça c'était des tubes énormes et on savait qu'on va tout oublier. Une dernière chose, tu as lancé aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Laisse tomber tes kilos. C'est toi, Soma, qui a créé ça et c'était quoi une petite annexe pour faire marrer les gens, pour dire que aussi on peut perdre des kilos, on peut Non, alors en fait, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai été gros et que j'ai maigri. Moi, je te connais depuis 98, je t'ai jamais vu gros, Claude. Ben, regarde la photo sur ma chaîne YouTube, tu vas t'apercevoir que j'ai été gros. Ah ben alors, j'ai pas fait gaffe alors. Alors, et donc, du coup, j'ai inventé une méthode et ma chaîne YouTube va abreuver les gens d'informations et de cours de sport aussi parce que de toute façon sans faire de sport on peut pas maigrir. Voilà. Voilà. Ouais, je vous invite à vous. Ouais, dis-moi. Demain matin à 10h le premier cours sur la chaîne Laisse tomber tes kilos. Et ben voilà, demain ceux qui veulent faire du sport à 10h, Laisse tomber tes kilos sur la chaîne YouTube de Soma Riba, ne le ratez pas, il y en a beaucoup qui vont faire du sport. Ça me fait penser un peu dans les années 80 Véronique et Davina un petit peu, hein. C'est ça, ouais, alors, tout le monde. C'est ça. Allez, on va tout oublier. On va s'écouter le nouveau single du Collectif Métissé. N'oubliez pas de liker la page. Allez voir le nouveau clip sur la plage de Soma Riba. Fan ou alors Collectif Métissé, DJ, fan aussi. Tout le monde peut liker. Tout le monde pourra acheter l'album quand? À partir du 10 juillet. On peut l'acheter déjà en virtuel, l'album? Non. 10 juillet. Il faut patienter. On va patienter le 10 juillet. Merci de nous avoir consacré ces 7-8 minutes, Soma Riba, au téléphone. Avec plaisir, à bientôt Francky. Merci. Allez, à toi. Bientôt. Et puis en direct à la radio, on s'écoute. Allez, voici le Collectif Métissé, c'est le nouveau single. Salut Claude. Merci. L'interview du Collectif et Tiad qui arrive dans 10 minutes. Bougez pas les zinzins, voici le nouveau Collectif Métissé. Nous on va jouer aussi, flash, flash, comme l'éclair. Tout le monde les rend en l'air. Danser, on sait faire. T'inquiète, on est des têtes. Voici le nouveau Collectif Métissé à la radio. On va tout oublier. Viens danser, pas danser. Ouais, y'a fait pas de frère. On va tout oublier. Viens chanter, viens danser. C'est ça la réalité. N'oubliez pas de télécharger le clip, hein. Également, bien sûr, le nouveau hit. Allez, on va tout oublier, le Collectif Métissé. Allez, la famille. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est dit autrement. Ouais, j'espère que vous allez bien. Salut Djerba, salut Quentin, salut Gérard, salut Stéphane, salut Stéphane, salut Séverine. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est bien confiné, tout le monde reste chez soi, c'est super important. Surtout, il faut rester dans... Il faudra qu'on arrive à... On n'est pas encore dans le vert, je crois, la carte, on est dans l'orange. Donc, il faudra qu'on arrive à tomber, justement, dans ce orange et ce vert, ça serait bien, vraiment mieux. Gigi Gossino qui a repris Salaf Keitiamo et puis on va accueillir Tiad au téléphone dans quelques minutes en direct à la radio. Ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui en direct. Salut les zinzins, bougez pas, on y va avec Tiad en moins de 3 minutes. va les zinzins, tout le monde va bien, tout le monde est en forme. C'est pas mal ce petit interview de Samariba, le collectif métissé. D'ailleurs, j'ai affiché le disque d'or à l'époque, hein, on a eu à la radio, à Vibration. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil en direct. En direct de chez Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, le confinement, c'est autrement. Puis on va appeler notre chroniqueur, Fabien Dumas, qui a plein de choses à nous dire avant de recevoir Tillade en interview. Et c'est parti pour Fabien Dumas. Allô, Fabien. Eh bien, bonjour à tous. Eh, t'as vu l'enchaînement un petit peu, comment il est terrible, hein? Ah, excellent. Énorme, hein, t'as vu, j'ai à peine dit on va accueillir Fabien Dumas, t'étais déjà là, mon ami, hein? Eh ben voilà. Eh ben bouge pas, mon Fabien. En direct de chez Franky Radio, le confinement, c'est autrement. Ah, t'as vu, je mets des jingles maintenant, hein. Nickel, ah, oh, mais t'es le roi des jingles. Ah, j'adore les jingles. Merci à Pascal qui nous fait tous les jingles de la radio. Je voulais saluer au passage. Eh ben, salut Pascal. Eh ben justement, je salue l'ami Pascal, ouais. On démarre avec quoi, mon ami? Une petite chronique? Une petite insolite? Une petite chronique insolite? Alors, je veux pas effrayer. Ouais, tu m'entends, c'est bon? Ouais, je t'entends, vas-y. Alors, je veux pas effrayer les gens, mais pour ceux qui habitent au bord de la Méditerranée, là. Ouais. Alors, dans la ville du grand chanteur Georges Brassens, à Sète, dans le port de Sète, on a vu un requin, figure-toi. Ah ouais? Alors, moi, je voulais dire une chose, parce que Sète, c'est pas loin du Cap d'Agde. Et c'est vrai qu'au Cap d'Agde, on en a vu quelques-uns il y a 2-3 ans. Hein. Ouais. Et ben voilà, mais là, carrément dans le port, hein, tu vois. Donc, Ah merde. Bah, ils reprennent leur nature, les requins. Hein. Ils viennent. Et ben voilà, bah ça c'est bien, c'est bon signe pour la nature. Donc si vous habitez à Sète, faites gaffe, de toute façon on peut pas se baigner, mais si jamais vous avez décidé... Si vous pêchez, faites attention quoi. Ouais, allez pas nous pêcher un requin ce soir. Hein. Ouais, quoique, ça c'est pas mal le requin, j'en ai déjà goûté, hein. Ouais, c'est pas mal. Bah voilà, c'est... Ouais, c'est... Mais bon, là il est en liberté tranquille, voilà, il se promène. Donc soyez prudents si vous habitez à Sète, de l'autre côté de la radio. Salut Marie-France, dis-nous salut. Ouais. On enchaîne mon ami. Bon, sinon, dans le Cantal, en Auvergne... Ouais. Il y a des résidents d'une maison de retraite qu'on refait un peu les Jeux Olympiques à leur manière. Ah, en quoi, en déambulateur? Alors une course en fauteuil roulant, un concours de fléchettes, voilà. Ouais. Et avec une remise de la flamme olympique avec une petite coupe, c'était sympa à voir. Il y a une vidéo qui traîne, donc allez voir. Ah, il faut aller voir. Je chope le lien là pour aller voir ça. Les déambulateurs, ça doit être sympa hein, comme ça de courir. Voilà, bah c'est la maison de Lauré des Bois. Ouais. À Seigné dans le Cantal, donc allez voir. Hein. Non, mais c'est sympa, je trouve, si c'est bien suivi médicalement après. Hein, faut pas non plus faire des conneries. Ah bah tout à fait, oui, ouais, oui, oui. Ouais, faut pas faire de conneries, mais ça peut être sympa. Moi, je dis, au moins ça les occupe les anciens. Ouais. Et ouais. Bah voilà ça. Bravo, bravo. Bon, en tout cas pas. Apparemment, ils se sont bien marrés. Hein. Ah bah voilà. Bon, après, les dentiers, il faut les laisser à l'entrée. Hein. Je rigole. Bah oui. Fabien Dumas en direct. Une autre chronique, mon Fabien. Eh bah une autre. Alors, je pense que celle-là, elle a déjà dû fuiter un peu sur le net. Ouais. Il y a des voleurs qui ont, pendant un cambriolage, qui ont laissé leur attestation avec leur nom, leur prénom, leur adresse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Stéphanie vient de la sortir il y a 3 minutes, celle-là. Eh ben voilà. Non, ben là, mais c'est pas alors, grave. Là, on s'imagine que les gars, ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Eh ben non, même pas. Ils ont 36, 41 et 45 ans. Ah ouais, carrément. Eh ouais, tu vois un peu ça? Eh ben, je vois ça, mon ami. En tout cas, pas bien. Salut Alex qui nous salue. Salut Alex. Je salue aussi les gens qui nous regardent. Voilà, ce matin. Bon, et puis là, alors, dans les infos insolites, on termine là-dessus, mais bon, ouais. C'est... Une petite dernière? C'est un homme politique. Alors, ça se passe en Afrique du Sud. Ouais. Il était chef d'un village en Afrique du Sud et il avait une dernière volonté pour son enterrement. Il voulait se faire enterrer dans sa Mercedes-Benz. Ah, Mercedes-Benz, 113. Ouais, bon, il avait... Alors, comme on est à la radio, il avait pas de Porsche ni de BMW, hein. Ouais. Comme ça, tout le monde est content. Et donc, bah, ça a été accepté, voilà. Il a pu se faire enterrer dans sa voiture. C'est mignon. En tout cas, si ça lui a fait plaisir, si c'était son dernier. Eh ben voilà. C'est important de respecter les choix de tout le monde. Ouais, de dernière minute, comme ça fait plaisir. Salut Marie-France qui nous regarde. Elle me dit qu'elle va bien, Marie-France. Eh ben tant mieux, alors bonjour à Marie-France. Voilà Marie-France, et ben voilà mon petit Fabien. Comment tu vas bien Fabien, le déconfinement? Ah ben écoute, je suis déjà déconfinement moi. Le confinement, ça va bien? Là ça va bien, tu vois, là je suis chez moi et je vais faire un peu de télétravail après, donc voilà. Ouais, c'est ça, et ben du télétravail, tout le monde en fait en ce moment mon ami. Eh ben oui. Bon, on te fait des bisous. Eh ben, bisous à toi, bisous à tout le monde. Ouais, bisous à tout le monde qui nous regarde. Salut les gens. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mon Fabien Dumas. Salut. Allez, ciao, Francky, bye bye. Salut la famille. Et puis juste avant de retrouver Tillade en direct, le chanteur Tillade qui sera avec nous dans moins de 3 minutes, voici la famille qui ont repris Gilbert Montagnier, les Soleils des Tropiques. Ça vient juste d'arriver, ça. C'est déjà dans les radios. Et puis sur les plateformes légales de téléchargement, les Soleils des Tropiques. La famille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur. Et dans 3 minutes, c'est Tillade qui arrive, l'interview de Tillade. Bougez pas, spécial hôpital. Bougez pas, il arrive, il a fait un single pour vous. Viens danser sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer, en attendant bien danser. J'aime l'océan pacifique, ça me fait quelque chose de magique. Y'a rien à faire qu'à rêver, prends-moi la main. Jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Hey oh, prends-moi la main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau. Ça, c'est la famille, hein. Gilbert 2021. On espère faire la fête bientôt avec vous là-dessus. Hein. Allez, famille, fa sol do, viens danser. Sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant. Super version juste avant d'accueillir Tillade. On va écouter son nouveau single qui s'appelle Rester à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, notamment Serge Lama. C'est pour tous les gens qui ont travaillé dans les hôpitaux. Écoutez, voici Tillade juste avant de l'avoir au téléphone. C'est Rester à la maison. Voici le nouveau single de Tillade. Écoutez, pour tous ceux qui bossent dans les hôpitaux, c'est pour vous. Et on retrouve Tillade au téléphone juste derrière. Tillade. Dans la brume de ce moment, c'est notre corps l'instrument d'un essai de la nature, d'un Covid un peu trop dur. Nous avons les armes qu'il faut, juste rester bien au chaud, le faire pour se protéger, le faire pour tous nous sauver. Rester à la maison, la vie prend un autre sens quand elle nous prive de liberté. La vie vit à contresens dans ce monde si tourmenté. La nature prend le dessus sans pouvoir le contrôler. Et je veux croire à l'amour d'une union pour nous sauver. Rester à la maison, c'est là où nous vaincrons ce putain de fléau qui nous veut notre peau. Le faire au moins pour ceux leur vie en jeu. sans pause, nous sortirons bien plus fort et nous parviendrons encore à nous prendre dans les bras, à nous embrasser, toi et moi. Tiens, restez à la maison. Eh ben, on va y rester. Allô. Oui, allô. Bonjour Tiens, bravo. Salut Francky. Je fais les applaudissements de tout le monde parce que beaucoup de cœur pour ce titre. Un combat, ah, c'est gentil. Un combat quotidien, belle chanson, on me dit, super. On vient de jouer le titre, rester à la maison, Tiad. Alors, Tiad, avant de parler de ce single, Tiad, tu peux. Mm-hmm. Qui est Tiad alors? Auteur, chanteur, compositeur, explique-nous un petit peu, mon Tiad. Alors, bah oui, toi, tu me connais, mais ouais. Les gens me connaissent pas forcément, effectivement. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Moi, je suis chanteur, auteur, compositeur. Ouais. Voilà, je suis de la région centre, hein, issu de la région centre. Bon, j'ai travaillé un peu partout en France. Et voilà, et puis je continue aujourd'hui, puisque maintenant, je suis devenu producteur aussi. Je fais de la production. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc, ce nouveau single, on va pas parler de la carrière d'avant, parce que c'est ce qu'on a dit en antenne. On voulait parler de l'instant présent. De ce putain de virus, de ce putain de pandémie de merde, parce que ça m'énerve, parce qu'on est tous enfermés, on est tous un peu tristes en ce moment. Il s'appelle Rester à la maison. Tout le monde disait ça au début, restez chez vous, restez à la maison. Le titre, il est venu comment, le titre? Mais en fait, si tu veux, j'en avais marre de tourner depuis 15 jours chez moi, à rien pouvoir faire. Et alors, du coup, je me suis réveillé une nuit à 2h du matin, j'ai écrit des paroles. Ouais. Le lendemain, j'ai envoyé les paroles à un copain compositeur pianiste, Michel Melser. Ouais. Et puis, ça s'est fait en 2 jours, en fait. L'aventure musicale s'est faite en 2 jours. Ensuite, j'ai envoyé un message, un petit peu comme le disait ton ami tout à l'heure des collectifs métissés. Hein. J'ai envoyé un message à tous les copains, amis. Ouais, c'est ça. Pour savoir ceux qui voulaient participer au clip. Et puis, mais voilà, ils ont répondu... quasiment tous très rapidement, et puis on a monté le clip et la chanson, voilà, pour ce que le projet que tu viens de passer, la chanson que tu viens de passer, justement, pour ouais. pouvoir récolter des fonds pour les soignants, quoi. Justement, il y a le lien, il y a un lien, vous pouvez retrouver le clip sur Facebook, hein, je l'ai retrouvé aussi. Bon clip, alors comment c'est fait? Bah, je pose la même question, mais comment s'est fait la sélection du clip? C'est des amis à toi ou des gens qui t'ont contacté, qui t'ont dit bah nous on veut... Ah bah non, c'est que des copains. J'ai envoyé un message à mes copains. En fait, je voulais un clip qui représente un peu la société, c'est-à-dire ouais. des gens connus, des gens pas connus, ouais. et surtout des soignants, parce que cette chanson, elle a été faite pour eux. Ouais. Donc voilà, j'ai contacté mes copains artistes, et j'ai contacté mes copains pas artistes et qui font aussi des métiers de comme l'auxiliaire de vie ou par exemple ouais. voilà, qui travaillent en EHPAD. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a monté le clip. J'ai appelé mon copain Nicolas Hutto qui a réalisé le clip, et puis j'ai envoyé les vidéos au fur et à mesure. Ça s'est fait très rapidement, hein. Ça a duré une petite semaine à mettre le projet en place. Ensuite, j'ai contacté Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, et puis on a décidé de faire le projet de s'associer, voilà, pour pouvoir faire le projet et puis avec le CHR aussi d'Orléans et le CH de Béziers, parce que je vais régulièrement dans le sud chanter. Tous les ans, voilà, depuis l'année dernière, on va avec mon ami Magali Vaé, qui est dans le clip, justement, on va chanter à Marseillan. On fait des tournées d'été à Marseillan, ouais, et ouais. du coup, voilà, on a eu envie de faire ça pour aussi le CH de Béziers, quoi. Voilà. Il y a Marie-France qui travaille dans une clinique, la réalité à l'état pur. C'est vrai, hein, c'est mm-hmm. la réalité. Ce clip, il est fait pour ça aussi, hein. Oui, c'est enfin, dans ses paroles, moi, en tout cas, j'ai voulu écrire quelque chose qui soit, le plus près de mon ressenti, le plus près de mon ressenti, on va dire, si tu veux. Mais après, voilà, je suis pas sur le terrain pour voir. Après, je travaille aussi avec des gens qui sont sur le terrain, donc du coup, je pouvais avoir aussi des informations de savoir réellement que cette petite grippette annoncée au départ ouais. par nos pouvoirs publics est en fait une espèce de merde, comme tu le dis, ouais. une espèce de truc bien coriace, quoi, et que pour moi, la meilleure des protections, comme je dis toujours, la meilleure capote, hein, c'est de rester à la maison. C'est ça. Bravo à vous, très belle chanson. Nous sommes à fleur de peau et une petite larme coule. Oh, c'est mignon ça, tu vois. C'est très gentil, merci. Après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller sur les, parce que ce qui va être intéressant, c'est aussi pouvoir récolter des fonds. Ouais. Donc, il faut vraiment aller sur tout ce qui est iTunes, Google Play, et pas forcément écouter le titre sur les streamings, parce que le streaming rapporte pas grand chose, mais plutôt vraiment télécharger la chanson, voilà, parce que c'est là où on va pouvoir avoir des fonds, et à savoir que vraiment tous les fonds et tous les droits de ce titre sont reversés pour les trois fondations que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour les hôpitaux, ouais, en général. Ouais. Très belle initiative, c'est ce que dit Gérard. Voilà, une belle initiative. Tiens, dans le clip, on a Serge Lama, ouais. Bah, oui, bah Serge, c'est un copain, et tu le sais, Tu le sais, puisque tu m'as reçu plusieurs fois à la radio. Serge, c'est un copain, puisque j'ai travaillé avec lui. Enfin, on a coécrit ensemble pour mes deux premiers albums. Et ouais, tout naturellement, je lui ai envoyé. Mais Serge est quelqu'un de très simple, donc du coup, 2 heures après, il m'a répondu. Et voilà, mais il n'y a pas que Serge, il y a d'autres amis artistes dedans aussi qui ont... qu'on participait, et puis ça, tout a été très vite. On a voulu aussi faire une pochette. La pochette, elle a été faite par deux talentueux graphistes d'Orléans qui s'appellent Iconis, ouais, qui sont très connus sur Orléans d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'Orléanais aussi qui ont participé à ce clip, et c'est eux qui nous ont fait cette belle pochette qui se rapproche le plus du milieu hospitalier, avec ses couleurs bleues, un peu bleu-vert qu'on peut retrouver dans les blues, un peu... Un peu bleu-turquoise. Bleu-turquoise, exactement. C'est pour associer à la mer, à l'océan, à s'évader un petit peu aussi. Hein. Ben oui, parce que je pense qu'on a tous envie de ressortir. J'ai reçu, pour être complètement transparent et franc avec toi, j'ai reçu des attaques aussi, parce qu'on m'a dit, oui, mais comment vous pouvez dire rester à la maison, etc. Et c'est vrai que, ben oui, je sais que c'est pas facile de rester à la maison, mais c'est malheureusement la seule larme vraiment puissante qu'on ait aujourd'hui. Donc, vaut mieux attendre encore un petit peu et faire encore un petit peu plus preuve de civisme quelques jours et pouvoir effectivement tous pouvoir se dire dans quelques mois, bah chouette, on a attendu, mais au moins maintenant on peut ressortir et on peut profiter de ce qu'est la vie, de ce qu'est le ciel bleu, de ce qu'est la mer, de ce qu'est la montagne, de ce qu'est simplement sortir et se prendre dans les bras et pouvoir prendre ses proches et pouvoir aller voir son papy, sa mamie en EHPAD. La vie telle qu'on la connaissait avant, et je pense que c'est un effort de chacun qui fera qu'ensemble on pourra vraiment réussir à aller au-delà de cette pandémie, quoi. Alors je voulais dire, donc restez à la maison. Ce qui est important aussi, c'est de télécharger légalement sur les plateformes légales ce titre. Tout à fait. Les fonds, exactement, bien sûr, oui, légalement. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi, pour ramener de l'argent. Voilà, et puis le partager sur les Facebook, de le faire tourner, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément le poids que vont avoir d'autres associations avec des gens beaucoup plus connus. Mais en tout cas, nous, on fait les choses telles qu'on peut, avec notre cœur, et puis voilà. Peu importe ce qu'on récoltera, eh bien, ça sera déjà toujours ça pour pouvoir aider nos soignants et aider toutes les personnes qui sont aussi présentes sur le terrain. Quoi. C'est ce que dit Marie-France, restez chez vous, c'est la meilleure solution pour arriver au bout du tunnel, c'est vrai. À moins que d'ici et là, on ait un vaccin, ça serait vraiment l'idéal qu'on se fasse tous vacciner. Oui, ça serait un vaccin ou vraiment un traitement qui soit spécifique Covid-19, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est ce que je dis, la meilleure arme, c'est de faire preuve de civisme et de sortir vraiment que pour le minimum et de... Voilà, on a attendu, ça fait un mois et demi qu'on est dedans, je pense qu'on peut quand même attendre encore quelques jours pour pouvoir avoir un semblant de liberté, parce que le 11 mai, ça va pas être la liberté, hein, faut pas rêver. Non, faut pas rêver. Il faut justement encore plus faire attention parce que faudra pas non plus propager l'épidémie et que ça redémarre et qu'après, ça sera un cycle sans fin. Donc, C'est ça. Et puis, je voulais faire un clin d'œil aussi, Francky, au milieu, comme l'a dit tout à l'heure, ton ami des collectifs métissés, au milieu de la nuit, parce que c'est un milieu qui me semble effectivement très oublié. J'y ai travaillé pendant longtemps et c'est un milieu qui est très oublié. Je connais très bien ta discothèque parce que figure-toi qu'il y a quelques années, j'ai fait un concert dans cette discothèque. Ouais. Donc, je connais très bien le set, et c'est un endroit que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Mais comme toutes les autres discothèques en France, elles sont un petit peu oubliées. Et d'ailleurs, moi, je trouve que la culture est un petit peu mise de côté, on va dire, par le gouvernement. Il serait peut-être temps quand même de penser aussi à tous les intermittents et à tous les gens qui nous apportent ce qu'est la culture française, justement. C'est vrai. Donc, je pense que de vivre, c'est bien, mais d'avoir la culture, c'est vital aussi, quelque part. Pas comme en première ligne, on va dire, si tu veux, mais voilà, au moins pour le moral et le quotidien des gens. Et je trouve ça assez génial aussi que là des gens comme toi fassent tout ce que vous faites là en ce moment, des lives en Facebook, parce que ça permet aux gens justement de pas complètement être coupés de ce milieu de la nuit qui malheureusement est mis de côté parce qu'on ne sait pas ce que va se passer pour les discothèques, voilà. Et de penser un petit peu à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile, mais on est tous dans la même merde, dans la même galère, quoi. Et voilà. Et je soutiens vraiment pleinement tout ce qui est milieu, bien sûr, de la nuit, de la restauration, bar, hôtellerie, parce que c'est un milieu où j'ai travaillé, c'est un milieu qui m'a fait vivre. Et c'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Et comme tu disais, les intermittents, c'est important parce que il y a beaucoup d'intermittents qui n'ont plus rien. Hein, ça, c'est faut être honnête. Mais c'est ça, c'est le problème de savoir après quand je vois certaines choses passer ou sur les Facebook où on dit qu'un intermittent du spectacle il faut rien. Eh bien, j'ai envie de dire allez dans la vie quotidienne d'un intermittent et vous verrez s'il faut rien quoi. C'est des heures de répétition. Et, ouais. C'est un travail de recherche constant pour pouvoir trouver du travail. Ça tombe pas du ciel non plus. Donc voilà, c'est. Il faudrait qu'il soit remis un petit peu plus au devant de la piste aussi, quoi. Là, je te rejoins, Tiad, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans la nuit. Les gens, quand ils viennent en club, ils viennent voir un go-go dancer, ils viennent voir un cracheur de feu, ils viennent voir un magicien, je sais pas, j'en passe, des chanteurs, etc. Mais c'est bien sûr. Il faut les payer, c'est les discothèques qui les payent, mais s'il n'y a plus de discothèques, il n'y a plus d'intermittents. Je pense notamment à ma pote Adriana qui fait des shows go-go dancer. On parle de go-go dancer. Eh ben, ils ont plus de taf en ce moment parce qu'il n'y a plus de discothèques, il n'y a plus de bars, il n'y a plus tout ça. Donc, ces gens-là, c'est dramatique, voilà. Justement. Voilà ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il ne faut pas, les oublier. Ils sont bien là. Et il serait peut-être intéressant aussi que l'État débloque des fonds, puisqu'apparemment ils ont des fonds sans fin, on s'en rend compte en ce moment, mais qui débloque au moins une partie pour et rapidement pour trouver des solutions. Alors là, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais malheureusement, on est en face d'un virus, on est en face de quelque chose qu'on a du mal à contrôler, donc c'est pas non plus évident à mettre en place. Dans notre dialogue, il faut pas oublier le milieu de la nuit, c'est très important. Le milieu de la nuit, puis dans notre dialogue, on va certainement oublier des gens, c'est pas volontaire, hein. Il y en a tellement. Je pense à mon pote qui nous regarde, Laurent Billard, qui fait de la location de vaisselle, tu vois, c'est simple, ça, Tiad. Ben oui. Mais c'est pareil. Voilà, tu fais des mariages, etc. T'as besoin de vaisselle, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, de la déco, etc. Et ben lui, il a plus de taf en ce moment non plus, tu vois. Bon, je pense à lui parce qu'il nous regarde, mais il y en a plein comme ça dans ce cas-là. En tout cas, il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens effectivement. Mais bon, il faut être solidaire, il faut vraiment se donner la main et être fort pendant cette période qui est compliquée. Et je pense qu'on pourra vraiment finir par tous s'en sortir, mais en faisant preuve de civisme et en pensant à soi et en pensant surtout aux autres. Parce que de sortir dehors, c'est en se protégeant soi, c'est bien, mais il faut aussi penser aux autres. Les autres sont peut-être plus fragiles que vous, donc voilà, c'est très important. Bon, est-ce qu'après le confinement, il y aura un déconfinement, on espère tous d'ailleurs du fond du cœur. Est-ce que Tiad prévoit quelque chose ou alors pas encore, ça viendra peut-être sur le moment venu? Non. Ah bah on travaille déjà, oui, sur les projets avec mon équipe, on travaille déjà sur les projets futurs, mais pour l'instant avec un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc pour le moment, c'est vraiment avec grande prudence et parce que le but, ça sera de faire des choses, mais en toute sécurité. Donc voilà. Pour le moment, c'est point d'interrogation. On ne sait pas, on attend. Et ben point d'interrogation, on termine donc avec le single. Restez à la maison, on va se le réécouter. Et puis n'oubliez pas de le télécharger légalement, c'est important. Ça va ramener de l'argent aux hôpitaux. Voilà, c'est comme tu dis. Exactement. À Béziers, Orléans, etc. Et puis merci de nous avoir consacré quelques petites minutes, mon Tiad. Merci à toi, Francky, d'avoir pensé à moi. C'est très gentil. Et puis on se revoit très vite. En vrai, j'espère. Ouais, dans j'espère quelques aussi, semaines, quand tout ira mieux. Ok, mon Tiad, bisous. Merci Francky, à bientôt. Salut, ciao. Vas-y Tiad, reste à la maison. C'est notre corps, l'instrument d'un essai de la nature. Merci. Téléchargez légalement ce single. Restez à la maison légalement, les zinzins. On se quitte là-dessus. Et je vous fais un bisou, bougez pas, je vous fais un bisou juste derrière. Allez, faites plaisir aux hôpitaux, tous ceux qui bossent là, c'est pour eux. Écoute. Se protéger, le faire pour tous nous sauver. Rester à la maison. Ouais, bonne personne, Tiad. Hein. C'est là où. Super mec. Merci, Tiad. Tout le monde te like. Et des cœurs pour Tiad là. Au final, des cœurs. Ce allez, putain de fléau qui nous veut notre peau. Le faire au moins pour ceux. La vie prend un autre sens quand elle nous prive de liberté. Merci, Tiad. La vie vit à contresens dans ce monde si tourmenté. La nature prend le dessus sans pouvoir le contrôler. Et je veux croire à l'amour d'une union pour nous sauver. Rester à la maison, c'est là où nous vaincrons ce putain de fléau qui nous veut notre peau. Le faire au moins pour ceux qui mettent leur vie en jeu. C'est la moindre des choses pour leur combat sans pause. Nous sortirons bien plus fort et nous parviendrons encore à nous prendre dans les bras, à nous embrasser, toi et moi. Bravo! Allez, du clap, des claps pour Tiad, des claps, des claps, des claps, des claps, des claps. Balancez du clap, applaudissements. Super Tiad, merci. Merci au collectif Métis. Nous gagnerons ce combat. Voilà mes zinzins. Et bien encore une très belle émission radio jusqu'à midi. Merci à Stéphanie Bier, merci à Fabien Dumas, merci à vous d'être là tous les matins, ça me fait plaisir. Merci au collectif Métissé Somariba. Je vous rappelle le nouveau single Allez Allez. N'hésitez pas à aller liker, à aller partager leur page aussi, le collectif Métissé Somariba. Et puis un grand merci à Tiad, mon poteau, pour ce beau titre. Restez à la maison, c'est important, téléchargez-le légalement, hein, ça rapporte de l'argent aux hôpitaux. Bisous à tous, salut la famille des zinzins. Et puis bah je vous retrouve demain, c'est dimanche, je serai pas là, mais lundi, voilà. Donc plein de bisous, restez chez vous, hein, sortez pas pour rien, et je vous aime très fort, voilà. Donc partagez, n'hésitez pas à partager ma page, mes vidéos, etc., ça me fait plaisir. Salut les amis, belle émission, merci, ciao la famille.